Il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Non, il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Je serai là jusqu'au dernier battement. Il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Non, il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Je serai là jusqu'au dernier battement. Dans ma tête c'est sombre et c'est qui l'a plu. À gauche comme à droite que des pensées noires. Je veux pas qu'on se demande ce qu'il a pu. Tout ce que j'ai pas vu que j'étais censé voir. J'ai plus le temps mais j'ai plus la force. Ou j'ai de la force mais j'ai plus le temps. J'ai trouvé la porte mais j'ai plus la clé. Ou j'ai trouvé la clé mais j'ai plus le plan. Je vis dans un désert où y'a plus de vent. Les nuits sont froides comme quand t'étais pas là. Je faisais du bif quand t'étais malade. Je me suis assis là où il n'y a plus de banc. Alors que c'est sauver ceux qui le peuvent. Plus que des loups dans un coin de la tête. Je suis dans un appart où y'a plus de meubles. Quelques regrets dans un coin de la pièce. Est-ce que demain sera pire qu'hier? La vie à quoi elle sert, tu rends pas les coups. Je faisais de l'argent plutôt que des prières. Mais je t'avais toi donc j'avais tout. Je sais pas pourquoi tu m'as pardonné. Tout ce mal que j'ai fait tomber dans l'oubli. Y'a tellement de choses que je t'ai pas donné. Une chose est sûre, c'est que j'ai tout pris. Il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Non, il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Je serai là jusqu'au dernier battement. Il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Non, il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Je serai là jusqu'au dernier battement. Est-ce que les derniers seront les premiers? Peut-être si les derniers sont encore en vie. Je regarde par la fenêtre, la nuit est tombée. Et toi tu dors quand je rôde en ville. Et je sais maman tout ce que je t'avais dit. Que je t'avais promis que je te laisserai par là. Que je t'amènerai sur terre ce bout de paradis. T'as connu les appels du commissariat. Et j'imagine les larmes sur tes joues. Quand on t'a dit que je rentrais pas. Et je pense à toi, et je pense à nous. Tout ce que je t'ai pris que je te rendrai pas. Et qu'est-ce que tu cherches à prouver? La nuit tu parles de qui, de quoi? Va pas là-bas fils, y'a rien à trouver. J'ai juste à te dire qu'il y a pire que moi. Je me suis construit comme château de cartes. L'hiver est froid, vivement l'été. Je vais pas rester mais je veux pas que tu partes. Ce que je suis n'est pas ce que j'étais. Tu me dis souvent que ça vaut la peine. Que tout ton amour ne vaut pas ma haine. Je donnerai ma vie pour sauver la tienne. Tu donnerai la tienne pour sauver la mienne. Il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Non, il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Je serai là jusqu'au dernier battement. Il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Non, il faut pas que tu t'en fasses pour moi. Je serai là jusqu'au dernier battement.